crisis, as you mentioned. Et oui, il y avait plus. La fabrique de l'histoire, aidée par la fiction et notre goût collectif pour la jonction entre les drames personnels et les enjeux universels, aura retenu que derrière le sacrifice de milliers de jeunes gens lors du débarquement de Normandie, la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale a été rendue possible par les travaux d'un génie de l'informatique qui a réussi à craquer le code allemand Enigma avant d'être poussé au suicide et oublié de tous. Alan Turing est aujourd'hui réhabilité et son neveu Dermot publie maintenant l'histoire de cette machine Enigma. Mais loin d'être une hagiographie de son oncle, ce livre est au contraire un document sur la longue et sinueuse histoire de ce déchiffrement et du rôle central de la Pologne et de la France dans ce récit. Enigma, une autre histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est le programme crypté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Dermot Turing. Bonjour, mille merci d'être avec nous aujourd'hui en direct. Vous publiez donc Enigma ou comment les Alliés ont réussi à casser le code nazi. C'est une coédition Nouveau Monde, Ministère des Armées. C'est traduit par Sébastien Baird et Nathalie Genet-Roufiac. Et bonjour à Robert Wolfenstein qui va assurer votre traduction tout au long de cette heure. Bonjour Robert. Bonjour. Mais avant de vous retrouver, le tour de l'actualité scientifique du jour, c'est le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue hier dans Science, des chercheurs viennent d'identifier les mécanismes du cycle de fertilité des femmes de l'adolescence à la ménopause. C'est une vraie énigme en phylogénétique. Il n'y a que trois espèces qui possèdent un cycle de fertilité qui s'interrompt bien avant la mort. L'humain, la baleine et l'éléphant. Il y a des théories évolutives dessus, comme la théorie de la grand-mère. Les femmes cesseraient d'être fertiles pour aider les autres mères du groupe. Mais on ne sait toujours pas pourquoi la fécondité suit ce cycle. Les chercheurs de l'université de Copenhague ont analysé plus de 3000 tissus ovariens de patientes âgées de 9 à 43 ans. Ils ont observé les mécanismes de division cellulaire et ils ont découvert que les erreurs chromosomiques dans les ovules façonnent ce cycle de fertilité. Ces erreurs agissent comme une horloge moléculaire. Les problèmes de ségrégation de chromosomes ne sont pas les mêmes selon les âges. Katia Wassmann est directrice de recherche CNRS à l'IPPS. Elle dirige une équipe sur la biologie du développement des ovocytes chez les mammifères. Pour préparer l'ovocyte à la fécondation, elle doit faire deux divisions méiotiques. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu avant la puberté. Et ces divisions-là, ils font plein d'erreurs. Parce que ces défauts dans ces ségrégations méiotiques vont conduire à un mauvais chiffre de chromosomes. Donc, il y a des miségrégations qui arrivent parce que les chromosomes, ils se séparent trop tôt. Et c'est surtout ça qu'est-ce qu'on observe dans les femmes qui sont plus proches de la ménopause. Donc, on voit une ségrégation précoce des chromosomes avant que la ségrégation de la cellule a vraiment lieu. Et ça, ça va conduire à des miségrégations. Et qu'est-ce qui est décrit dans cette étude-là? C'est que quand la femme est trop jeune encore, on a plutôt le problème inverse. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à ségréger correctement les chromosomes restent ensemble. Donc on va comme ça aussi avoir un mauvais chiffre de chromosomes. Mais les mécanismes sont complètement différents de ce qui se passe dans une femme plus âgée. Et ça, c'est complexe qui tient les chromosomes ensemble. Ça s'appelle les coïsines. C'est un complexe protéique qui doit être enlevé au moment précis où la division cellulaire a lieu. Et si c'est pas bien coordonné, on va avoir des miségrégations et des aneuploïdies, donc des ovocytes qui peuvent pas conduire à un embryon qui est viable. La conclusion de cette étude, c'est aussi probablement évolutif qu'on a cette régulation de la maturation des ovocytes, que finalement on peut pas faire des ovocytes trop tôt ou trop tard parce que ça va pas donner des embryons qui sont viables, aussi parce qu'il faut s'occuper si longtemps de ses enfants, contrairement à des animaux qui sont moins développés. Et on passe au bref. La 13e édition du Pasteur Don a commencé hier et se poursuit jusqu'à dimanche. L'Institut Pasteur fait appel aux dons pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et contre la résistance aux antibiotiques. L'an dernier, l'événement a récolté 2 millions d'euros. Les dons représentent un tiers des ressources de l'Institut Pasteur. Selon une étude parue hier dans Science, les coraux morts peuvent revenir à la vie. Et c'est une étude qui représente 16 ans d'observation des coraux du bassin méditerranéen. Les chercheurs espagnols ont découvert que sur les 243 colonies de coraux très affectées par le réchauffement des eaux, 38% d'entre eux ont développé des stratégies de survie. À première vue, ils semblent morts, mais en réalité, les minuscules polypes, les petites tentacules, se contractent profondément dans le squelette corallien et peuvent ensuite repousser. Cette étude sur la résilience de cette espèce menacée d'extinction, c'est une bonne nouvelle, sauf que les auteurs rappellent que les vagues d'eau chaude dans les océans se produisent désormais presque tous les étés. Et enfin, dans la revue Invertebrate Biology, un paléobiologiste américain vient de découvrir une espèce éteinte de micro-invertébrés qui ressemble à un cochon. La créature était enfermée dans de l'ambre en République dominicaine. Elle a été baptisée Cyalomorpha dominicana et elle est surnommée Mold Pig. Alors le Mold Pig a vécu il y a environ 30 millions d'années lors du paléogène. Il dispose d'une tête flexible, de 4 paires de pattes et d'un exosquelette qui mue avec la croissance. Il a à la fois des caractéristiques de tardigrade et d'acarien, mais on ne peut pas le classer dans ces deux groupes. Dans la classification du vivant, c'est aussi la découverte d'un nouvel embranchement phylogénétique. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le JDS de la semaine où on reviendra notamment sur les prix Nobel et puis sur toute l'actualité scientifique et de la recherche de cette semaine écoulée. Dermot Turing est notre invité tout au long de cette heure en direct ici dans le studio de France Culture pour la publication et la traduction en français de son livre, de cette enquête historique Enigma ou comment les alliés ont réussi à casser le code naziste, une coédition au ministère des Armées Nouveau Monde. Alors Dermot Turing, impossible d'échapper à une petite notice biographique compte tenu de votre nom de famille. Vous êtes le neveu d'Alan Turing. Vous ne l'avez pas connu puisque vous êtes né 7 ans après son suicide. Quelle était l'image de votre oncle dans sa famille, dans votre famille, pardon? Bien, il y avait deux images d'Alan Turing dans la famille. Alors, dans la famille, c'était quelque chose de très courant. Je ne sais pas si vous avez vu le jeu des imitations. On représente quelqu'un qui est un petit peu difficile, un peu asocial. Et ça, c'est, disons, l'image un peu simplifiée, un peu caricaturale qui m'a été transmise par mon père. Et puis, par la suite, j'ai parlé à ceux qui avaient travaillé avec Alan Turing, et qui, eux, m'ont donné une image très différente de quelqu'un qui était, certes, un scientifique, et quelqu'un qui n'était pas toujours facile d'accès si l'on ne figurait pas, si on ne travaillait pas dans le même domaine de spécialité, mais c'était quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise sur le plan social, et un personnage très différent de celui qu'on représente dans le film en particulier. Le film The Imitation Game de Morten Tildum, dont on entendra effectivement quelques extraits pour illustrer notre conversation. Alors, Dermot Turing, parlons de vous. On aura l'occasion d'évoquer les travaux de votre oncle suffisamment au cours de cette émission. Vous avez un parcours assez atypique, puisque vous êtes généticien de formation, et vous avez bifurqué vers le droit pour devenir juriste, avant, en 2012, de devenir administrateur du centre de cryptographie de Bletchley Park, qui est l'endroit où étaient réunis tous les mathématiciens, les linguistes, ce centre secret britannique où le code Enigma a été craqué. Comment est-ce qu'on passe de la génétique, finalement, à la cryptographie? Eh bien, votre émission donne la réponse à cette question parce que je me demandais comment on allait pouvoir relier les chromosomes à la machine Enigma. Et le lien est tout trouvé. En réalité, je n'étais pas particulièrement doué pour la génétique. En tant que généticien, j'ai trouvé finalement un nouveau métier en devenant juriste, puis écrivain d'ailleurs. À quel moment vous est venue cette idée de revenir, de faire cette enquête historique qui retrace l'histoire de cette machine Enigma, de la façon dont elle a été craquée, et finalement, d'une certaine manière, de sortir de cette fiction historique qui s'est créée, qui s'est cristallisée tardivement, certes, mais autour de votre oncle, de rétablir une vérité historique? Well, I think we have to Eh bien, bon, il faut un petit peu remonter dans le temps, remonter aux années 1970, date à laquelle l'annonce a été faite que ceux qui avaient découvert ou cassé le code à Bletchley Park avaient réussi à déchiffrer des messages allemands qui avaient été donc codés sur une machine qui s'appelle la machine Enigma. À l'époque, j'étais adolescent, mais l'histoire me fascinait. Et lorsque j'appris que mon propre oncle avait joué un rôle clé dans cette affaire, c'était évidemment particulièrement intéressant. Et ça fait 40 ans que je m'intéresse à la question quand même. Donc c'est une évolution naturelle, en fait. J'ai voulu en savoir plus sur le rôle d'Alan Turing, mais également en savoir plus sur l'histoire d'Enigma avant son rôle dans l'affaire. Alors c'est intéressant parce que, donc je le dis, le titre, la traduction française, c'est Enigma ou comment les alliés ont réussi à casser le code nazi, mais je trouve que le titre original est intéressant parce qu'il dit quelque chose, à mon avis, de plus détaillé du programme qui est le vôtre d'Hermann Turing. Le titre original, c'est XYZ, The Real Story of How Enigma Was Broken. Il y avait une volonté chez vous, donc, de casser la légende. Oui, alors si on se réfère au film Imitation Game ou la façon dont cette histoire a été présentée de manière traditionnelle au Royaume-Uni, on voit que cette histoire était celle de l'héroïsme de Bletchley Park, les scientifiques, les mathématiciens, les techniciens ont réussi finalement à gagner la guerre. C'était un petit peu la légende patriotique britannique qui avait cours, qui n'est pas d'ailleurs entièrement fausse, je ne dirais pas ça, mais disons que ça ne raconte que la moitié de l'histoire et pas toute l'histoire. Et alors, justement, je peux m'expliquer un peu mieux. Ce que j'ai découvert assez récemment, c'est que les scientifiques britanniques qui avaient cassé le code ne connaissaient pas le mécanisme, tout le câblage de la machine Enigma. Ils ne l'ont découvert que 6 semaines avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils étaient dans sont passés d'une ignorance totale donc, de ces machines à une situation où ils ont pu construire une espèce d'usine à casser les codes de l'Enigma en l'espace de quelques mois seulement. Alors vous allez me demander comment c'était possible, et c'est justement ça qui m'intéressait. Et c'est l'histoire que nous allons essayer de raconter ou de parcourir au cours de cette heure. Mais ce qui est intéressant d'Hermann Turing, c'est que généralement, on a tendance, quand on a dans sa famille un personnage célèbre, à écrire des livres qui sont plutôt des hagiographies. Vous avez vraiment voulu revenir à la réalité historique, et notamment à ces fameux X, Y et Z. Qui sont ces X, Y et Z? Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que l'histoire de Enigma avait commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle commençait en Pologne, figurez-vous. Et en Pologne, il avait été décidé de recruter des mathématiciens, ou plutôt des diplômés d'université en mathématiques, dans les services de cryptographie dans les années au début du. Enfin, à la fin du 19e siècle, c'est parce que les Polonais se rendaient compte que les Allemands se servaient d'une machine à coder les messages, déjà là, à la fin du siècle précédent. Et alors, évidemment, le service de renseignement polonais a pu franchir un pas immense, parce que personne à l'époque se disait que seuls des linguistes seraient capables casser un code. Donc le recrutement de mathématiciens constituait, si vous voulez, un pas en avant tout à fait considérable. Alors, cette décision donc, de recruter des jeunes diplômés en mathématiques, de jeunes mathématiciens, a amené les Polonais à être associés à l'histoire d'Enigma de manière beaucoup plus intense. Et effectivement, des percées ont été réalisées par les Polonais parce que les Polonais étaient en liaison avec les services de renseignement français. Et c'est cette réhabilitation du rôle de la Pologne et de la France, on va évidemment revenir là-dessus dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que dans vos travaux de recherche d'Hermann Turing, vous avez pu avoir accès à un certain nombre évidemment de documents déclassifiés, et notamment des documents des services secrets français que vous avez pu consulter, même partiellement, mais enfin en tout cas vous avez eu dans la main des documents de la DGSE et notamment les archives d'un certain Gustave Bertrand. Oui, parce que je savais que l'histoire commençait en Pologne, mais au cours du travail de recherche, j'ai appris que la DGSE française venait de déclassifier donc un certain nombre de documents qui émanaient de l'officier du renseignement français le plus disons plus important, c'était Gustave Bertrand qui avait un rôle prééminent dans le service du renseignement. Et ces documents ont été rendus publics plus précisément, je crois que c'était en 2016, c'est tout récent, et j'ai été l'une des premières personnes qui a eu le droit de consulter ces archives. Et c'est quelque chose de tout à fait incroyable parce qu'on découvre des tas de choses absolument passionnantes. Enfin, je trouve les documents passionnants en général, c'est ma nature. Enfin, toujours est-il que, si je peux vous citer quelques exemples, de genre de trouvailles que j'ai faites dans ses archives, vous trouverez des photos que Gustave Bertrand donc avait pris dans une salle de bain dans une chambre d'hôtel en Belgique, une photo du manuel d'instruction de la machine Enigma. Et ça, ce sont les toutes premières photos que les services de renseignement avaient vues en dehors de l'Allemagne de la machine secrète. Eh bien, ces photos ont été transmises au service de renseignement polonais et c'est cela qui a aidé les mathématiciens polonais à, disons, s'attaquer à la machine elle-même. Alors, pour moi, c'est très passionnant de voir ces photos archi-célèbres, mais je ne savais pas qu'elles existaient encore et elles font partie des archives maintenant. Et c'est effectivement passionnant à lire dans votre livre et vous allez voir que, effectivement, derrière la légende, on pense que la machine Enigma a été craquée justement à Bletchley Park, dans ce cadre un peu fictionnel et un peu légendaire que l'on peut voir dans le film. Vous allez apprendre au cours de cette heure que la machine Enigma n'a pas été craquée une fois, mais qu'elle a été craquée trois fois. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Dermot Turing est notre invité pour parler de la machine Enigma et de cette incroyable histoire de machine de chiffrement allemande qui a joué un rôle prépondérant dans la Seconde Guerre mondiale et dans la défaite allemande, puisque cette machine a donc pu être craquée par les Alliés. Je viens de le dire, elle a été craquée à plusieurs reprises et j'ai appelé Dermot Turing cette émission une autre histoire de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on est vraiment dans les coulisses de cette guerre et que le livre remonte non pas au début de la Seconde Guerre mondiale mais carrément en 1918, juste après la défaite allemande, avec la création de cette machine qui, au départ, n'est pas du tout l'image qu'on en a, nous, plus grand public, c'est-à-dire d'une machine hyper secrète, etc. Au départ, Enigma, c'est une machine qui est disponible dans le commerce. Et oui, enfin, il y avait différents types de machines Enigma, différentes étapes au cours du XXe siècle. Alors effectivement, il y en avait qui étaient disponibles commercialement. Cette machine n'était pas très, très sophistiquée, elle n'était pas très raffinée, mais enfin, les principes étaient les mêmes que pour toutes les autres machines. C'est-à-dire que vous aviez un clavier, un petit peu comme sur un laptop, vous appuyez sur une touche, mais au lieu de taper la lettre sur la touche de laquelle vous avez appuyé, il y avait un courant électrique qui était transmis et qui parcourait tout un ensemble de câblage interne et qui faisait qu'une autre lettre apparaissait. Et alors, au cœur de la machine, vous aviez trois rotors qui tournaient et qui codifiaient justement. Et comme ça tournait, le codage changeait d'une frappe à l'autre. Hein. À chaque fois, vous tapiez sur une nouvelle touche. Et ça, c'était quelque chose qui était commun à toutes les machines Enigma. Mais les Allemands ont modifié la machine de base commerciale pour la rendre beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus complexe. Et ils ont donc changé d'abord le câblage des rotors eux-mêmes, mais dans l'intérieur de la machine aussi. Et puis, ils ont ajouté quelque chose qui ressemble à une espèce de commutateur téléphonique à l'avant de la machine, si vous voulez. Alors, on branchait des câbles dans cette espèce de commutateur pour justement déterminer la transformation des lettres au fur et à mesure qu'elles étaient tapées au clavier. Je vais vous donner un chiffre énorme. Il y avait 150 millions de millions, 2 millions de façons de définir les paramètres de la machine Enigma. On va revenir hein, sur ces possibilités, 10 puissance 14, je crois, 158 milliards de milliards. Ce qui est intéressant, c'est que donc cette machine Enigma, elle est créée en 1918. Le brevet est déposé par un certain Arthur Scherbius et Richard Ritter. L'armée allemande ne va pas la repérer tout de suite, il va falloir un peu de temps parce qu'ils utilisaient pendant la Première Guerre mondiale un système de chiffrement qui s'appelait ADF-GVX et il y a quand même à un moment donné, ils se sont dit bon, cette Première Guerre mondiale, on a perdu la guerre des codes secrets, il faut maintenant qu'on trouve un moyen plus sûr pour encoder nos communications et d'ailleurs les communications des différentes branches de l'armée qui ne seront pas encodées par les mêmes machines Enigma. Ah oui, effectivement. Les Allemands, finalement, sont tombés dans une espèce de piège parce que, quand je vous cite ce nombre à 15 chiffres, on ne voyait plus finalement la réalité du problème de chiffrage. Ils se sont dit qu'en raison du nombre incalculable de réglages possibles de la machine, pour cette raison, il serait absolument impossible pour un service étranger du renseignement de casser le code. Il n'avait pas tout à fait tort, du reste. Au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, donc, les Français et les Britanniques s'étaient dit que l'Enigma ne pouvait pas être dépassé. Mais c'est parce que les Polonais sont arrivés à casser le code que la guerre du codage ne s'est pas terminée comme les Allemands l'espéraient. Alors à quoi ressemble cette fameuse machine Enigma? Vous l'avez certainement peut-être en tête, l'un des grands avantages, hein, que c'était gros comme une machine à écrire, c'était transportable, c'était mobile, c'était léger, ça ressemblait à ça. Je vous présente Enigma. Les détails concernant chaque attaque surprise, chaque convoi secret, chaque sous-marin infestant l'Atlantique entre dans cet objet et en ressorte sous la forme d'un charabia. C'est magnifique. La main de la mort. Nos opératrices interceptent des milliers de messages radio par jour, mais pour les charmantes recrues de la Royal Navy, ils n'ont aucune signification. C'est seulement quand on les réintroduit dans Enigma qu'ils prennent tout leur sens. Mais nous avons une machine Enigma ? Oui, les renseignements polonais en ont fait sortir une de Berlin. Alors où est le problème ? Introduisez les textes interceptés dans Enigma et vous saurez tout de suite... Non, ce n'est pas aussi simple. Le fait de posséder une machine Enigma ne permet pas de décoder les messages. Très juste, Monsieur Turing. Pour décoder un message, il faut savoir comment la machine a été réglée. Et les Allemands modifient les réglages chaque jour à minuit précise. Nous interceptons généralement notre premier message le matin vers 6 heures, ce qui vous laisse très exactement 18 heures chaque jour pour déchiffrer le code avant qu'il ne soit modifié et qu'il ne faille recommencer. Il y a 5 rotors, 10 câbles pour le tableau de connexion. Donc, 1 million... Ça fait 1 000 millions. Non, attendez, millions de millions. Ça, c'est plus. Millions, évidemment. Il y a plus de 150 milliards de combinaisons possibles. Excellent. 159. Si vous voulez être précis, cela fait 159 et 18 zéros derrière, possibilités. Toutes les 24 heures. Voilà extrait de The Imitation Game de Morten Tildum, la découverte de cette machine Enigma. Alors, Damotion, peut-être qu'on peut faire justement un peu de cryptographie et comprendre pourquoi cette machine Enigma a tout changé au chiffrement et au système de façon de chiffrer un message par rapport à ce qu'on faisait avant. I think the problem was that, if you send enough messages, le problème, c'est que si vous envoyez suffisamment de messages en gardant les mêmes paramètres, les mêmes réglages, au bout du compte, il devient possible de reconstruire ce qu'est le câblage à l'intérieur de la machine et la façon dont les réglages ont été faits. Et bon, ça, c'est une technique bien connue hein, dans le chiffrement et dans le déchiffrement, on essaye de localiser et analyser les messages qui ont été produits avec les mêmes paramètres, d'où l'intérêt, d'où l'importance de changer de paramétrage tout le temps, et c'est la raison pour laquelle les Allemands ont créé toutes sortes de réseaux différents dans lesquels il y avait différents types d'exploitation des machines et où les réglages pour chaque réseau étaient changés chaque jour, mais pas seulement ça, ils changeaient également la façon dont les rotors de chiffrage, donc, était disposée, de sorte que, qu'elle était, pour les lettres les plus importantes, chaque chose était changée à chaque message. Ce qu'il faut comprendre, sans rentrer forcément dans les mécaniques, parce que on vous a mis quelques liens, hein, si vous voulez voir cette machine et comprendre exactement comment elle fonctionne, sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC, comprendre cet agencement astucieux de rotor, d'une partie électrique, d'un réflecteur qui permet de rendre le chiffrement symétrique et de ce câblage manuel qu'évoquait Dermot Turing, qui permettait d'échanger en plus 10 paires de lettres. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y avait en plus de cette machine, avec elle, un carnet de code qui indiquait les changements de configuration tous les jours à minuit, et ça va avoir un rôle très important pour la suite de notre histoire. Oui, et donc ça présentait deux grands défis pour les décodeurs. Vous avez un problème de matériel, un problème de logiciel, si on peut s'exprimer ainsi. Le côté matériel de la chose, le hardware, c'est de comprendre donc le système de câblage à l'intérieur de la machine, la disposition des rotors, mais la partie logicielle, donc c'est ça ce problème qui changeait tous les jours, c'était de savoir lequel des 150 milliards de milliards de réglage avait été choisi. Mais si vous n'avez pas la réponse aux deux questions, vous ne serez pas capable de lire le moindre message. Et c'est là qu'on rentre dans l'affaire de ces services secrets. Vous allez voir que cette affaire, elle commence effectivement entre la France et la Pologne. Elle commence bien avant la guerre. Django Reinhardt, Minor Swing, pour vous remettre dans cette atmosphère de la première partie du XXe siècle, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous parlons avec Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, de la machine Enigma, à l'occasion de la traduction en français de son livre Enigma, ou comment les alliés ont réussi à casser le code nazi, qui est une coédition Nouveau Monde, Ministère des Armées. Dermot Turing qui est traduit par notre camarade Robert Wolfenstein. Je le disais, donc si on s'attaque à la partie géopolitique, hein, de cette histoire que vous racontez. L'histoire commence bien avant la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 ans avant la Seconde Guerre mondiale, quand la Pologne, à partir de 1929, se procure donc une machine Enigma et met en place un bureau de décodage qui va être une première dans l'histoire du chiffrement, c'est-à-dire qu'on va commencer à remplacer, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Dermot Turing, des linguistes par des mathématiciens. Yeah, so there was Oui, et puis il y avait à l'époque une fausse rumeur qui circulait donc dans les années 70. On se disait que les services de renseignement polonais avaient volé une machine Enigma qui appartenait à l'armée allemande. Et grâce à cela, ils auraient pu régler en tout cas la partie matérielle du problème et pouvaient s'attaquer à la partie logicielle pour savoir comment les Allemands régler la machine tous les jours. Mais ça, c'était de la désinformation, du fake news, comme on dit maintenant, parce qu'en réalité, les mathématiciens avaient reçu un exemplaire du manuel de la machine Enigma qui avait été photographié par Gustave Bertrand dans cette chambre d'hôtel à Bruxelles. Et les mathématiciens, par cette analyse mathématique, ont pu transformer, codifier, c'est le cas de le dire, le problème d'Enigma en un ensemble d'équations. Et en résolvant les équations, il y avait un mathématicien qui s'appelle Mariewski, et qui a su reconstruire à partir de cela le câblage, reconstituer ce câblage de la machine allemande en résolvant donc ces équations. Et ce qui veut dire que les Polonais étaient en mesure de construire ces machines Enigma, mais telles qu'ils la définissaient. Donc la machine polonaise ne ressemble pas du tout à une machine allemande, même si les deux ont la même fonction. Mais pourquoi ce fake news qui a eu lieu à l'époque, c'est parce que les Polonais, de manière très généreuse, avaient offert deux exemplaires de leur version de la machine Enigma. Une avait été offerte au service de renseignement français et l'autre au service britannique en 1939, six semaines avant le déclenchement de la Deuxième Guerre. Et on va y venir, mais on va rester un peu sur ce personnage, Marianne Rejewski, qui est un jeune prodige mathématicien. Il a 23 ans et effectivement, il va construire ce qu'on appelle une bombe, comme on parlera plus tard de la bombe de Turing. C'est lui qui va construire cette première bombe à craquer la machine Enigma. Et il faut préciser, Dermot Turing, que là, on est sur les premières versions de la machine Enigma, les toutes premières versions utilisées par l'Allemagne allemande, qui va petit à petit les sophistiquer. Well, I think so. We mustn't forget that Rejewski. Il ne faut pas oublier que Rejewski ne travaillait pas seul. Absolument. Il y avait une équipe de mathématiciens polonais et d'ingénieurs d'ailleurs qui travaillaient avec lui. Mais effectivement, Rejewski avait résolu le problème de matériel, mais enfin le problème logiciel restait entier. Et l'équipe d'ingénieurs et de mathématiciens, y compris donc Rejewski, ont décidé que la réponse au problème de logiciel serait d'avoir une machine qui, elle, automatiquement passerait en revue tous les paramétrages possibles des rotors. Donc je crois qu'il y avait 75 500 réglages de ces rotors pour ces trois rotors. 105 000, si vous faites le calcul. 105 000, je crois. En effet, pardon, autant pour moi. Et toujours est-il que donc vous avez, c'est la machine qui elle-même parcourait toutes ces positions possibles, les 17 000 rotors par rotor, et pour voir s'il était logiquement possible pour tel ou tel réglage d'être celui qui était utilisé le jour de l'interception d'un message. Et là, c'était une percée polonaise, mais cette machine-là, donc qui se livrait à ce calcul, disons, des probabilités, l'avait appelé une bombe, bomba. Bon, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que chaque jour, c'est que les Polonais allaient déjeuner assez tardivement, et l'un des plats au menu, c'était la cuisine française. La cuisine française figure toujours au menu des restaurants polonais. Et dans les années 30, 1930, il y avait un dessert qui était la bombe surprise. Et comme vous le savez, une bombe surprise, c'est une glace qui est recouverte de chocolat et qui a la forme, une forme sphérique, donc ça ressemble à une bombe d'autrefois, voilà. Avec la mèche qui dépasse. Toujours est-il que si les Polonais ont décidé de baptiser leur machine en lui donnant le nom de ce dessert, c'est qu'il dessert en question, c'est qu'ils se sont dit qu'il y aurait une grosse surprise pour les Allemands quand cette machine commencerait à fonctionner. Et c'est là où finalement l'histoire rejoint quasiment la fiction, parce qu'il y a, comme vous venez de le dire, Dame Turing, le problème de hardware, le problème finalement de la machine à résoudre, ce que réussit à faire Marianne Rejewski en reconstituant finalement les rotors qui étaient utilisés dans la version militaire d'Enigma. Mais il y a aussi le software, le logiciel, et derrière le software il y a une magnifique histoire, comme on aimerait tellement en voir et comme on en voit tellement dans les films d'espionnage, de trahison entre frères, entre Hans Thilo Schmidt et son frère Rudolf, qui va vendre les plans de la version militaire d'Enigma à un agent français. Oui, alors c'est là que l'histoire devient moins technique et commence à ressembler davantage à un roman d'espionnage. Enfin, c'est très intéressant. La raison pour laquelle Bertrand donc, a pu se rendre dans cette chambre d'hôtel en Belgique et photographier ces fameux documents, c'est qu'un beau jour, c'était un soldat, un ancien soldat de l'armée terre allemande qui est entré dans l'ambassade de France à Berlin en disant « Voilà, j'ai des documents qui pourraient vous intéresser. » Ça, c'était donc ce monsieur qui s'appelait Hans Thilo Schmidt, qui est un personnage tout à fait intéressant. Et comme vous l'avez dit vous-même, son frère était haut placé dans la hiérarchie militaire allemande. Il est devenu général de chars d'assaut et il a fait partie de la force d'occupation de la France au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on y est pas. On est en 1931, là. On est vraiment très tôt. Oui, donc. Là, donc, en 31, Rudolf Schmidt avait un travail dans le bureau de chiffrement du service français. Il a trouvé un emploi pour son frère, et c'est ça qui a donné à son frère Hans Thilo accès au coffre-fort où les documents secrets, y compris les documents Enigma, étaient conservés. Et Hans Thilo a décidé qu'il voulait plus d'argent. Son train de vie était très onéreux et son modeste salaire ne couvrait pas ses besoins. Il aimait les cigares, les jolies filles, les costumes, le cognac et compagnie. Mais enfin, c'était surtout les filles dont il appréciait la compagnie. Or, ça coûtait cher à entretenir. Donc, il avait besoin de plus d'argent. Et donc, la solution était toute trouvée. Et donc, on a ces plans, la reconstruction. Finalement, ce Marian Rejewski et cette bande de mathématiciens qui arrivent à trouver la solution et à réduire, hein, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, réduire l'incroyable nombre de possibilités initiales d'Enigma à environ 100 000, construire cette bombe. Et tout ça en exploitant, c'est peut-être intéressant d'en parler, d'Hermann Turing, en exploitant une faiblesse. Et on va voir qu'il y a quelques faiblesses, peut-être une sorte d'hubris des services secrets allemands dans cette machine Enigma qui pensait absolument inviolable. Notamment parce que les 6 premières lettres à cette époque de tous les messages étaient chiffrées avec la même clé. Et oui, il y avait plusieurs faiblesses dans le système allemand, et en particulier, l'une des erreurs commises par les Allemands, ça a été de coder un certain type d'information deux fois. Or, cette information a été importante. Moi, si je vous envoie un message avec la machine Enigma, il faut que vous sachiez comment disposer les 3 rotors, n'est-ce pas? Et donc, moi, je dois vous dire comment le faire. Mais si je vous donne les explications en code Morse, tout le monde le saura, y compris les Anglais, les Polonais, tous ceux qui écoutent aux portes. Donc, il faut pouvoir dissimuler l'information, la coder. Et là, les Allemands se sont dit, on a une machine Enigma. Donc, on va coder cette information avec cette machine Enigma. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils codaient les paramétrages, l'information relative au paramétrage des rotors deux fois. Cette information a arrêté deux fois, ce qui a permis aux Polonais qui construisaient cette machine bombe de voir comment les 3 rotors étaient disposés. Puis ça, c'était une faiblesse, une erreur. Il y avait une autre erreur. Les Allemands se sont rendus compte, évidemment, que cette pratique était mal inspirée, et en 1940, ils avaient abandonné cette pratique, et tout le monde savait que ça allait arriver tôt ou tard. C'était une erreur évidente. Mais l'un des problèmes, c'est que la machine Enigma ne peut pas chiffrer une lettre toute seule. Alors je vous arrête parce que ça c'est plus tard dans l'histoire. Et avant ça, vous allez un peu trop vite. Vous allez un peu trop vite. Ce qui nous amène, pour suivre un peu ce fil chronologique, on est au milieu des années 30. La Pologne dispose donc d'une méthode de craquage du code Enigma. Mais problème, et donc premier coin dans la légende qui dit qu'on l'a craqué une seule fois, non. Au milieu des années 30, les services secrets polonais savent déchiffrer la machine Enigma. Mais en 1938, on approche de la guerre et les Allemands changent justement le protocole d'envoi des messages. Et là, tout repart à zéro. Et la Pologne se sent menacée et c'est là où d'un seul coup, l'intelligence autour de la machine Enigma va passer de la Pologne à la France et à la Grande-Bretagne. That's true, because the Germans, mais oui, les Allemands, d'abord, ont changé le nombre de rotors utilisés à la fin de l'année 1938. Il y a eu plusieurs modifications, mais l'une des modifications les plus importantes, c'était d'ajouter deux rotors à donc la connexion, si vous voulez, le câblage qu'il y avait dans la machine. Ça a l'air tout bête, mais en mathématiques, c'est un problème très simple. Si vous avez trois rotors, vous aurez six façons de placer trois rotors, 1, 3, 2, 3, 2, 1, etc. Bon, six combinaisons, 3 fois 2, si vous en avez 5 et que vous en choisissez 3 parmi les 5, là, le nombre de possibilités s'élève à 60. 60 combinaisons possibles. Et les Polonais avaient un problème de capacité d'ingénierie puisqu'il leur fallait une bombe pour chaque disposition des rotors. Donc, ils en avaient 6 machines bomba. Et lorsque les Allemands ont ajouté ces deux rotors supplémentaires, tout d'un coup, il leur fallait 54 machines supplémentaires. Et là, ils n'avaient pas la capacité d'ingénierie de construire, de passer à ce nombre de machines. Donc, vous avez parlé de géopolitique et je ne voudrais pas, sous-estimer le rôle de la géopolitique, mais enfin, les problèmes de capacité d'ingénierie étaient l'une des raisons pour lesquelles les hauts commandements polonais a décidé de partager ses découvertes sur Enigma avec ses homologues français et britanniques. Et on est donc en 1938, évidemment la guerre éclate, la France et la Pologne vont vite être hors jeu et c'est là que on arrive à Bletchley Park et vous expliquez dans ce livre d'Hermod Turing que au début, les services secrets britanniques se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils ont entre les mains et de l'importance qu'il va falloir déployer, en tout cas les moyens qu'il va falloir déployer, de l'importance des moyens qu'il va falloir déployer pour s'occuper de cette machine Enigma. Vous le disiez tout à l'heure, au début ils se disent « on n'y arrivera jamais ». Oui, alors le service de chiffrement britannique, mais c'était probablement le cas également en France. Les Britanniques, si vous voulez, étaient encore, si vous voulez, limités à leur vision de la guerre qui remontait au premier conflit mondial. Ils étaient dit que les spécialistes du chiffrement, ça devait être des linguistes. Et Bletchley Park n'a recruté ses premiers mathématiciens qu'en 1938, soit 10 ans après que les Polonais ont recruté les leurs. Alors, c'est peut-être lié au fait que les Britanniques se disaient que l'Allemagne ne posait pas une menace particulière. Enfin, ils se sont rendus compte que bien après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il y avait ça, mais également, je pense qu'intellectuellement, les Britanniques n'étaient tout simplement pas prêts à comprendre, si vous voulez, le fait que le codage par une machine était quelque chose de très différent de la façon traditionnelle de coder les choses comme on faisait pendant la Première Guerre mondiale, justement. Et néanmoins, il va y avoir évidemment un changement de regard avec le début de la guerre et la fameuse formation de ce bureau 40. C'est là qu'intervient votre oncle Alan Turing, qui va d'ailleurs penser un peu à la manière de Rejewski, c'est-à-dire à l'idée non pas de craquer la machine à partir de rien, mais de réduire petit à petit les possibilités à un nombre qui soit traitable. Well, I think this was the... Et oui, et ça, c'était finalement le choix le plus brillant, parce que en mathématiques, on s'attend à avoir des réponses très claires, c'est vrai ou faux, oui ou non. Or, ce qui est intéressant par rapport à ces machines de chiffrement, c'est qu'on n'a pas une réponse complète. peu à peu, on élimine les fausses réponses, ou en tout cas les possibilités qui n'en sont pas, pour réduire le champ des possibles, pour les ramener à un nombre gérable que l'on peut mettre à l'épreuve, si vous voulez, avec les techniques traditionnelles. Mais se dire qu'un mathématicien arriverait à une réponse incomplète, ça choque un peu les esprits, l'idée qu'on se fait de la mathématique, mais si on s'y penche un petit peu plus près, ça c'est intéressant. Ce que la machine polonaise, la machine bomba polonaise, mais la bombe de Bletchley-Park, ces machines fonctionnaient de manière numérique, un petit peu comme les ordinateurs actuels, parce que les actions sont complètement binaires. Alors, ils arrivent, possibilité par possibilité, à se dire, voilà, ce choix-là est impossible, donc on arrive à éliminer des tas de possibilités qui sont complètement impossibles. Mais ensuite, le reste, on dit, la machine dit, ben, j'ai pas la réponse, par contre, c'est possible, mais j'ai pas la réponse. Et ça, c'est une nouvelle démarche qui nous rappelle, finalement, les situations où, en informatique contemporaine, justement, on a les ensembles flous, les réponses floues et incomplètes qui vous donnent beaucoup de choses sur la réalité. Et c'est là que l'intuition et le coup de génie de ce fameux bureau 40 de Bletchley-Park auquel travaille Alan Turing, hein, il travaillait dans les 3-8, ça n'arrêtait pas, il travaillait vraiment nuit et jour tout le temps, c'est qu'ils utilisent les deux faiblesses que vous alliez évoquer tout à l'heure d'Alan Turing. Cette première faiblesse qui fait que, vous l'aviez évoqué, une lettre ne donne jamais elle-même en sortie, un A ne peut pas donner un A. Première faiblesse, ça paraît rien, mais vous allez voir que c'est un gros crack dans le système. Et puis surtout, l'hubris allemande qui fait que tous les matins, le bulletin météo commençait et terminait de la même façon. Well, I think... Oui, alors lorsque les Allemands ont corrigé l'erreur initiale, hein, qui consistait à envoyer deux fois le message, l'information relative au réglage, tout d'un coup, il n'y avait plus cette opportunité et les chercheurs avaient besoin d'un nouvel angle d'attaque pour savoir ce qu'étaient les réglages et les paramètres utilisés. Alors, ils ont utilisé le fait qu'aucune lettre ne pouvait être codée en elle-même, et ça, c'est intéressant. Ils ont essayé de deviner bêtement ce que pouvaient contenir les messages allemands. Et c'est plus facile qu'on ne le pense. En effet, les messages militaires ont tendance à être un style très formaté, des formules. Par exemple, un général, il faut le saluer d'une façon protocolaire. Enfin bon. Mais vous avez des informations importantes pour les Allemands. Ils devaient connaître la météo. Et donc, les messages contenaient un mot très utile, Wettervorhersage. Et ce mot allemand, il réapparaissait systématiquement. Et là, on pouvait voir si le message reçu ou intercepté, qui probablement contenait ce terme, Wettervorhersage, pouvait avoir été codifié avec tel ou tel paramétrage des rotors, et la machine essayait les combinaisons, donc chaque lettre de ce mot W, E, T, etc., pour voir si effectivement ce codage était celui qui avait été retenu. Jusqu'au moment où... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça a marché? Alan! Il me faut un autre message. Le dernier intercepté. Merci. Oh. I. Prêt? Oui. M. M. Y. M. M. S. S. A. A. I. I. C. C. T. T. R. R. I. I. S. S. O. O. A. A. Y. Y. R. R. R. I. I. KMS Jaguar East Aufpunkt se dirige vers 53 degrés 24 minutes nord et Aufpunkt 1. Degré ouest. Heil Hitler. Finalement, c'était les seuls mots d'allemand nécessaires pour casser Enigma. Voilà, il y avait ce fameux mot que je ne m'aventurerai pas à prononcer n'étant pas germanophone pour un centime, mais ce Heil Hitler final aussi, qui a été l'une des clés et peut-être aussi l'une des faiblesses allemandes. Ou est-ce que ça fait partie de la légende d'Hermann Turing ? Là, je crois que par contre, ça fait partie de la légende, ce Heil Hitler. Moi, j'ai interrogé l'historien de Bletchley Park sur le Heil Hitler. Il a dit non, non, il n'y avait pas un Heil Hitler dans le message. Donc, enfin, il y avait pas mal d'autres indices utiles. Ce qui fait que, alors là, pour le coup, si on se rapatrie sur l'histoire et qu'on quitte un peu la légende, Bletchley Park, dès 1940, crack Enigma pour la deuxième fois et possède une vingtaine de bombes et tout ça à l'insu des services secrets allemands. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à cette réunion qui a eu lieu juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Polonais donc, ont décidé de céder l'une de leurs machines Enigma qu'ils avaient construite eux-mêmes, avec également toute l'information, tout le renseignement qui avait été collecté laborieusement au fil des années, justement autour du problème Enigma. Et là, évidemment, ça a été une nouvelle donne, puisqu'on a complètement transformé le système de chiffrement. Les codeurs britanniques, les chercheurs, avaient une information telle qu'ils pouvaient tout de suite construire leur propre bombe, celle dont on parle dans le film, parce que tout d'un coup, ils avaient un corps d'information considérable, et ayant dessiné cette machine, conçu cette machine, ils ont pu la construire avant Noël 1939, et le prototype a été livré à Bletchley Park, je crois que c'était en mars 1940. Alors, à moins d'être polonais, il faut savoir qu'en mars 1939, la guerre n'avait pas encore éclaté. La Pologne avait été complètement vaincue, puisqu'elle avait été envahie, et bon, tout était calme sur le front. Mais même si le prototype ne fonctionnait pas très bien, avec l'ouverture des hostilités, avec l'invasion de la Norvège puis de la France, à ce moment-là, il était tout juste possible de se servir de cette nouvelle machine pour pouvoir lire des messages chiffrés par Enigma. Et c'est plus tard, une deuxième fois en 1942, que les Allemands vont mettre en service la toute dernière version d'Enigma, qui va servir notamment pour la bataille de l'Atlantique, dans les sous-marins, la version la plus difficilement codée, la M4. Et là, d'un seul coup, eh bien, Bletchley Park va se retrouver à nouveau devant un trou noir. Oui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y avait différentes versions de la machine Enigma, et bien entendu, les Allemands n'ont pas tout gardé au même endroit. En 1942, ils avaient créé une nouvelle version de la machine Enigma qui utilisait 4 rotors au lieu de 3, et c'est la raison pour laquelle on l'appelait la machine M4. Mais ça posait problème parce que les machines britanniques, les bombes britanniques, n'étaient capables de vaincre les machines, uniquement les machines à 3 rotors, pas à 4 rotors. Donc, ils avaient un réel problème, en effet, parce qu'ils étaient limités par leurs propres avancées technologiques. Ils avaient travaillé sur des machines à 3 rotors, mais pour déchiffrer un message avec une machine à 3 rotors, il fallait 10 minutes par message avec la bombe. Avec un quatrième rotor, il fallait multiplier ce temps par 26. Ce qui voulait dire que le renseignement arrive trop tard pour être exploitable. Donc, effectivement, il fallait de nouvelles techniques d'ingénierie pour accélérer le fonctionnement des machines, multiplier par 26 le fonctionnement des machines. Et les Américains ont une idée géniale d'utiliser l'électronique pour gérer le fonctionnement de cette quatrième roue beaucoup plus rapidement, de ce quatrième rotor. Bon, ça vous montre de manière tout à fait intéressante la façon dont on peut passer du chiffrage au développement informatique d'après la guerre, puisque maintenant on se sert de composants électroniques plutôt que de composants électromécaniques qui étaient utilisés avant pour pouvoir justement aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est la version américaine beaucoup plus rapide de la bombe. Ce qui est intéressant d'Hermann Turing, c'est vraiment de voir à quel point, évidemment, ce travail de déchiffrement a été essentiel, mais le travail de dissimulation de la compréhension du déchiffrement par les services secrets britanniques a été encore plus importante, parce que jusqu'à la fin, les Allemands étaient persuadés que leur machine Enigma n'avait pas été craquée. Oui, et dans l'histoire de la machine Enigma, il y a eu deux moments où les Allemands étaient pratiquement sur le point de se rendre compte que les Alliés avaient réussi à casser le code et résolu le problème Enigma. Il y a une fois où ils ont eu accès à des documents, ou plutôt, ils ont analysé des documents qu'ils avaient découverts à Varsovie en 1939. Et ces documents consignaient les travaux des chercheurs polonais, donc avant le déclenchement de la guerre. Donc, les Allemands ont commencé à essayer de récupérer, retrouver ces scientifiques polonais qui étaient terrés en France. Ils avaient une liste des hommes à abattre, et donc avec les noms de ces Polonais, avec leurs photos, des affiches, des gens qui étaient recherchés. Et en 1943, ils ont réussi, effectivement, à arrêter le chef de ce bureau de chiffrement polonais et son adjoint. Et en 1934, ils se sont rendus compte qu'ils avaient réussi à mettre la main sur ces scientifiques et les ont interrogés, justement, sur le problème Enigma. Et là, le secret était effectivement en grand péril, parce que si ces hommes avaient parlé, eh bien, on ne sait pas comment les choses auraient pu tourner. Je pense que toute cette affaire, finalement, se serait effondrée. Et en même temps, ils ont arrêté Gustave Bertrand lui-même. Et ils se sont rendus compte que Gustave Bertrand avait joué un rôle dans le service de chiffrement français, et ils l'ont interrogé. Mais lui, c'était un homme extrêmement intelligent, et il a pu convaincre les Allemands qu'il n'avait aucune compétence technique concernant le problème Enigma, il a pu faire un numéro convaincant. Bon, il y a eu ces deux occasions, mais là, ils étaient à deux doigts de découvrir la supercherie, et ça n'est que grâce, justement, à l'intelligence de ces hauts responsables qui ont réussi à résister à la torture, que le secret est resté secret. Et si on fait un peu... Alors, la légende dit que ce craquage de multiples reprises d'Enigma a permis de réduire la guerre d'au moins 2 ans. Si on fait un peu d'Uchronie, ça veut dire que sans craquage d'Enigma, bien la bombe atomique, elle tombe pas à Hiroshima, elle tombe à Berlin. Well, en un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, je ne suis pas en désaccord avec cette durée de 2 ans. Enfin, c'est, disons, l'analyse courante que font les historiens de l'évolution du deuxième conflit mondial. Mais moi, je vois les choses de manière un peu différente. Si on va à la grande débâcle française, donc quand la France a été envahie après la drôle de guerre, puisque les Allemands ont obtenu la reddition française, la Grande-Bretagne était finalement le seul pays qui menait le combat contre les Allemands, et son combat ne tenait qu'à un fil. Et dans la bataille d'Angleterre, lorsque l'Allemagne menaçait d'envahir donc le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne avait besoin de toute l'aide qu'on pouvait lui apporter, et cette aide est venue en particulier d'Enigma. Et sans cela, on aurait pu perdre la bataille d'Angleterre et la guerre. Mille merci d'Hermann Turing d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Je vous recommande vivement la lecture d'Enigma, ou comment les Alliés ont réussi à casser le code nazi, cette autre histoire de la Seconde Guerre mondiale qui casse aussi un peu la légende d'Alan Turing comme seul responsable du craquage de ce code. Merci beaucoup Robert Wolfen. Sunshine pour la traduction. Ne manquez pas, si vous voulez en savoir plus sur Alan Turing, l'excellente Grande Traversée d'Amaury Chardot qui y avait consacré 10 heures de documentaire il y a 2 ans. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Audrey Guélil à la technique. Demain c'est la fête, pour la fête de la science, table ronde d'actu spéciale où nos visiteurs du vendredi répondront aux questions que vous leur avez posées sur Twitter, et en guest star Marion Montaigne, marraine de la fête de la science 2019, autrice de la bande dessinée. Elle vous dira tout, strictement tout, ce qu'elle a trouvé dans la combi de Thomas Pesquet. C'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.